Sous le manteau blanc du matin, j'entends ton rire un peu lointain. La neige cache nos hésitations comme un secret en construction. Sous le manteau blanc, tout devient vrai, même ce qu'on n'osait plus jamais. Sous le manteau blanc, je prends ta main pour tracer un ton lendemain.